rendu sale, je suis d'extrême propreté. Ils parlent de guerre, j'ai supprimé la paix. Ils font l'apologie des armes, j'ai sauvé les armes. Ils font couler les larmes, je fais la promotion des arts. Ils assassinent Gaza, donc je n'écris pas par hasard. En direct de ma casa, jamais de l'ordre dans leur bazar. Je prône le respect, ton suspect est bizarre. On se serre la ceinture quand te baisse d'un falsard. La paranoïa s'est emparée des faibles. Moi je garde le contrôle et seul ma prose est fiable. Condamne à la peur, j'ai la liberté d'un aigle. Politique, politicienne, un concept exécrable. Gauche, droite, des idées dépassées. Le patriotisme, une notion du passé. Leur vision se limite à l'échelle de l'hexagone. Ma rétine va large car le monde est ma zone. Nommé à la baguette, ils maîtrisent le solfège. Les neurones dans la braguette, les banques font tourner ma neige. Va dire à Hollande que le changement c'est maintenant. Une fonction obsolète, comme celle des dirigeants. Dis-lui que je ne ferai pas barrage à Marine Le Pen. UMP et PS, aujourd'hui va le FN. Emmanuel Valls, face avec la haine. Faut faire les choses nous-mêmes, compter sur eux c'est plus la peine. Sache qu'est au lieu que t'es inclus dans leur programme. À chaque faux pas commis, tu confortes les amalgames. Oublie les vrais drames, parlons du voile des musulmanes. Des tournements pot de vin, mais personne ne les condamne. Casser des vitrines, ça n'a jamais niqué le système. Les médias parlent de toi et on oublie les vrais problèmes. La police assassine, tout ça justifie le dilemme. Pour eux c'est un blâme, mais pour toi les chrysanthèmes. Ai-je le droit de dire que je n'aime pas les religions? Elles tuent, pillent, exterminent des nations. Mais qui suis-je au fond pour juger mes refrains? Aux croyants pacifiques, je ne dois que du respect. Je sais, je loue, la violence te fascine. Internet et télé te polluent la rétine. À coups de propagande, de montage vidéo. Population apeurée, donc elle oublie ses idéaux. Des Illuminati à la franc-maçonnerie. Qui manipule qui dans ce ramassis de conneries? Les rappeurs dénoncent du vent et n'importe où. Des misogynes qui réclament l'absolution. Pas de vision d'avenir, ça clame la révolution. C'est de l'intellect que viendra l'insurrection. En une seule rime, je dément tous leurs arguments. Ils ont des secteurs d'art sur l'avance de 10 000 ans. Sur l'avance de 10 000 ans.